Exercice 8, page 35. A. Il apporte l'entrée. Transformer. Ils apportent les entrées. B. Il accroche l'affiche. Transformer. Ils accrochent les affiches. C. Il invite un ami. Transformer. Ils invitent des amis. D. Elle invente une histoire. Transformer. Elles inventent des histoires. E. Elle observe un éléphant. Transformer. Elles observent des éléphants. F. Elle organise une expo. Transformer. Elles organisent des expos.